Car plus le rimac c'est Saint-Denis, Canet, Sonneuf, Croix, Saint-Barrio. Tu pars, tu chasses, tu m'as trahi, tout était déjà dans le scénario. Comptez-nous les restats du film, on se fait pincer, ça s'est rincé. J'suis en indé, dans la musique et dans la C, j'suis en lancé. Dis-moi où tu peux changer de la frappe, j'côtoie des cassos, des malfrats. Calibre et ganté sur un quai, on t'a raté, bah on repassera. Parole de Bill K, on t'effacera, litron de platine, push du skiffy, hélicoptère, bâtard, Qatar, notaire, bâtard, Gucci, baby. J'les paye fâché, j'encaisse content, tous les pourcentages et montants. Blancock, c'est pas Breaking Bad, Heisenberg, on l'aurait barbé depuis longtemps. Faut investir, gagner de l'argent, bah on te l'annonce, et on te la met, évidemment, ça finit mal, sinon ça finirait jamais. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho, moi j'te dirai si c'est de la caille. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho, moi j'te dirai si c'est de la caille. Alerte le beau sur la caripice. Comme Franklin, c'est que trop sous la carapace. Dis-moi où tu pêches au coup d'œil si c'est carapice. Repère pas que boule à Z comme carapuce. C'est qu'il en faut pas plus que le harapace. Tu veux du gros son, écoute mes rapports. Partout où je suis, c'est hallucinant. T'as pas vu la sacoche que mon rapport. Prêt à faire des séries comme Allociné. Et c'est hardcore quand on s'y met. Ils veulent me voir au top, c'est pas faux, s'y met. Big up, c'est toi aussi, tu marches sur des poissons tous les 6 mètres. Mauvais tempérament, bah tu jacques, est ton père à toi. Est ton père à toi. C'est si mal trop chaud, vas-y clique sur le son, gros son, ton père à doigt. 22, 22, ça met en pète à 3. Pour se retrouver à boîte à 13. Ouais, c'est pas ta nous en pète à croix. Qu'on refourque devant le boîte à 13. Dis-moi où tu pécho, moi je te dirai si c'est de la taille. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho, moi je te dirai si c'est de la taille. Et mon pote, on fait de la mort. Et mon pote, on fait de la mort. Et mon pote, on fait de la mort. Et mon pote, on fait de la mort. Dis-moi où tu pécho. Dis-moi où tu pécho, moi je te dirai si c'est de la taille. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho, moi je te dirai si c'est de la taille. Et mon pote, on fait de la mort. Et mon pote, on fait de la mort. Et mon pote, on fait de la mort. Et mon pote, on fait de la mort. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Y'a que maman qui peut m'humilier, ma mignonne. Je recherche les milliers, les millions, le milliard. On fait ce que tu fais pas, on sait ce que tu ignores. Tu sais qu'on est ignoble, le business se développe au point que les billets ne rentrent plus dans l'enveloppe. J'embarque comme Kim K, je repars en vélo. Ta salope m'a donné l'adresse de ton frère. Surveille mon tel et les plans se font rares et les trottoirs sont triés. Même les plus grands gratteurs du quartier sont revenus sur le terrain et se remettent à gilet. Y'a dans l'OPJ qu'on devient des acteurs. Tu t'es fait hagal par des gars du zoo. Tu veux que je te décrive la meilleure des scènes? C'est quand tu as ce même bitch, fais un dégât des eaux. Car je suis inondé d'un spliff, mais moi tu n'es spliff. Ramène la frappe, je refais le monde autour d'un spliff. Rempli de rage et je suis à court de respect. Amarre la vodka, je suis à court de respect. Les billets sont passés, je fais les comptes en deux spliffs. Dépose le seum, deux tonnes en deux semaines. Encore deux, trois baillets, je m'écarte des suspices. Cherche pas ma gueule au-dessus, c'est le soleil. Dis-moi où tu pécho, moi je te dirai si c'est de la taille. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho, moi je te dirai si c'est de la taille.